pour la plus belle chose qui nous est arrivée à nos femmes. Ils nous ont donné ce bonheur. D'accord, mec. Giuliano, t'inquiète. Ouais. C'est ça. La vie. Qui est arrivé dans ce monde où la vie est dure et froid. On ne peut que vous réchauffer avec l'amour que l'on vous porte et le bonheur de vous tenir dans nos bras. Maintenant on a une famille à nourrir, pas peur d'océan à en mourir. Pour vous donner tout ce que vous avez besoin, on ramènera l'argent à la sueur de nos mains. On nous a répété qu'on était trop jeunes, mais on n'a pas l'intention de rester des chômeurs. Tu crois qu'on s'est fait chier à faire des études dans la vie pour en arriver à l'IQM et Rémi? Nous qui avons votre vie entre les mains, nous n'allons pas vous laisser crever de faim. Pas envie de voir galérer, à vous voir derrière un balai, on a l'intention de voir grandir et de voir persévérer dans la vie. Ouais, ouais, Nathan, Giuliano, mec, c'est la vie. Ah ouais, c'est ça la vie. Il faut que vous travailliez, que vous fichiez pour survivre. Voyez-nous, il faut jamais être libre, être délinquant, y'a rien de marrant. Vous fumez le chaud et vous risquez par la prison. Être le modèle et faire le fier, respectez la vie avec vos amis. C'est que c'est compliqué de travailler, faut pas baisser les bras. Risquer d'avoir le moral à plat. Réussissez vos études, et vous trouvez un boulot qui vous rapportera des thunes. Trouvez un bon salaire, dites non à la fin, vous mangerez de la poussière. Trouvez un bon boulot, et vous serez du côté de Sarko. Soyez riche, plein de fric, bling bling, et vous n'aurez pas de soucis. C'est comme ça que ça marche dans la vie, mec. Ne vous laissez plus jamais aller. Restez toujours motivé. Pensez seulement au blé que vous allez ramasser une fois que la vie sera faite. On aura plus de vie, t'inquiète. Et seulement à ce moment, on pourra partir en paix. Mais n'oubliez jamais à quel point qu'on vous a aimé. Ouais, Nathan, Giuliano, c'est la vie, mec. Ah ouais, c'est ça la vie. Il faut que vous travaillez, que vous fichiez pour survivre. Croyez-nous, il faut jamais être libre. Être délinquant, y'a rien de marrant. Vous fumez le chaud et vous risquez par ma prison. Être le modèle et faire le fier. Respectez la vie avec vos amis. Je sais que c'est compliqué de travailler, faut pas baisser les bras. Vous risquez vraiment d'avoir le moral à plat. Ouais, c'est ça la vie. À chaque coin de la rue, tu dois te battre pour survivre. Dédicace à nos fils qui sont là dans nos cœurs. Qu'on ne laissera jamais tomber et faire des erreurs. C'est Nathan, Giuliano, nous sommes 2009. Ouais, la vie.